toi ma petite migale. On s'est aimé dès qu'on s'est touché, des poils sur ma peau glacée. Des perdus que dévisageais, je ne rêvais que de te couper pour te féconder. Remplir la terre de nos chimères géniales. Nos débuts furent magiques, la fin totalement tragique. Je croyais que tu voulais vibrer sous mes coups de trick, que tu aimerais te faire écarteler par la boîte à caca. J'avais sans doute sous-estimé la puissance de l'anaconda. La petite migale a éclaté. L'anaconda est resté quoi? Ce devait être un coït, une symbiose, une putain d'osmose. Ça a fini trop vite, ma chose soudain explose. Tu vas me manquer, l'anaconda pense à toi petite migale. On s'est aimé dès qu'on s'est vu, mais j'ai pas su temporiser. Pourquoi tu m'as pas dit, attention, pas si vite, pas tout rentrer. Au lieu de ça, il a répondu tes chairs viscérales. Au début fait magique, la fin tragique. Je ne rêvais que tes caresses avant s'agite. Que tu coulerais, miaulerais, mais au lieu de ça, tu ne pipais mot, effrayé par l'inconscience de l'anaconda. L'anaconda sans l'orgueil, ce devait être un coït comme les putains de la maison close. De tes chairs chaudes et encore fumantes et roses, tendues d'amour, l'anaconda t'a glacé d'effroi.